Cette nuit, intenable insomnie, la folie me guette. Je suis ce que je fuis, je subis cette cacophonie qui me scie la tête, assommante harmonie. Elle me dit, tu paieras tes délits, quoi qu'il advienne. On traîne ses chaînes, ses peines. Je vous mes nuits à la sa symphonie, au requiem. Tu en pars des prix, ce que j'ai. Faites mes défaites sans répit, il me défie. Je renie la fatale hérésie qui ronge mon être. Je veux renaître, renaître. Je veux mes nuits à la sa symphonie. Concertant, concerto, je joue sans toucher le bout.